demeurant, c'est agréable. L'impression d'être en pointillé, d'alterner le bon, le minable, les pleins, les creux, les déliés, tantôt solides, tantôt instables, selon quelle formule oubliée, imbuvable et pourtant potable, le cœur sec, les yeux mouillés, que serais-je demain? Un notable ou un trableur dégueigné, bâti sur le roc, sur le sable, ou plus sobrement, un ouvrier. Taperais-je du poing sur la table, roulerais-je dessous tes poings liés, serais-je avéré capable de tout, de rien ou de moitié? Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est gris, un jour c'est bleu, un jour au désespoir, un jour blanc qui dit mieux. Au demeurant c'est appréciable de se sentir éparpillé, vissé sur mon siège éjectable, retournant sans cesse le sablier, à la fois innocent, coupable, victime, bourreau, meurtrier, suis-je à la fin mon propre esclave, mon propre négrier? Au demeurant c'est détestable, l'impression d'être en pointillé, d'alterner le bon, le minable, les pleins, les creux, les déliés, tantôt solides, tantôt instables, selon quelle formule oubliée, imbuvable, et pourtant